Miss Agnès. Ça y est, on est officiel dans le rap français. On va tout péter. De tous les autres, on a su se démarquer. Bah ouais, tu reconnais. On a plein de soucis à la fond dans des enceintes. Telle était leur crainte. On a dans son programme et des dunes peintes pour toutes les trappins. J'arrive comme une arbalète et non comme une tapette. Ça y est, c'est officiel, fais sans doute prendre les pépettes. Je reste toujours le même, un gangster dans un cerveau. Le trône me colle aux fesses, toujours à la vue de l'oseille. Une inspiration de ouf, trop de paroles à poser. Et tu ne m'en prie pour suivre, j'ai plus le temps de m'arrêter. L'instro elle est trop bonne comme toutes mes aspects. Écoutez ces vieux rappeurs, faut dire qu'ils en est assez. Même s'ils sont enragés, avec des deux me faranés. J'garde MS, XP2, LGF à mes côtés. Mon chronique encore plus près, toujours prêt à faire des sons encore plus frais. C'est vrai, ça nous est frais de pas goûter au succès. Si on l'a pas, aucun rappeur va écouter. Toujours bon, toujours fort, trop hardcore. J'entabilise des anticorps, je mets tous les scores. Ça y est, on est officiel dans le rap français. On va tout péter. De tous les autres, on a su se démarquer. Bah ouais, tu reconnais. On a plein de soucis à la fond dans des enceintes. Telle était leur crainte. On a dans son programme et des dunes peintes pour tous les trappins. Rien à foutre du rap game, un coup de gaz en rentrant. Gangster dans la cervelle, j'éjacule des disques d'or. Aucune pitié, aucune rancune, aucune limite. Oh, oh Ragné, on tire en rafale pour être sûr de percer. L'assassin me fait du pied, le top 50 me fait du charme. L'illicite m'a abordé, le RAP je le monte en grade. Northside, c'est ma drogue, c'est ma zone. Bouge quand ça tire, ça braque. Ça deal à l'aveuglette qui est le best 9 mm. Bombarde, ça pue la grosse peine. On te bande, un gun à la tempe. Trop tard pour un feed. Pour y arriver, la concurrence a dû en sucer des kilomètres de bis. Ça y est, on est officiel dans le rap français. On va tout péter. De tous les autres, on a su se démarquer. Bah ouais, tu reconnais. On a plein de soucis à la fond dans des enceintes. Telle était leur crainte. On a dans son programme et des dunes peintes pour tous les trappins. Beaucoup de langues de pute dans ce milieu. Bien plus d'une fois la lune est passée sous nos yeux. Mais malgré ces faux bois, on a réussi le combat. Et maintenant qu'on est là, on y restera. Ça y est, on est officiel dans le rap français. On va tout péter. De tous les autres, on a su se démarquer. Bah ouais, tu reconnais. On a plein de soucis à la fond dans des enceintes. Telle était leur crainte. On a dans son programme et des dunes peintes pour tous les trappins. L.I.S. Girl d'ange R.A.M.B. dans la place, yo. Alors